Mathias Sandorff de Jules Verne. Troisième partie. Chapitre 1. Méditerranée. La Méditerranée est belle, surtout par deux caractères. Son cadre si harmonique et la vivacité, la transparence de l'air et de la lumière. Telle qu'elle est, elle trempe admirablement l'homme. Elle lui donne la force sèche, la plus résistante. Elle fait les plus solides races. Michelet a dit cela, et l'a bien dit. Mais il est heureux pour l'humanité que la nature, à défaut d'Hercule, ait séparé le rocher de Calpe du rocher d'Abila pour former le détroit de Gibraltar. Il faut même admettre, en dépit des assertions de mains géologues, que ce détroit a existé de tout temps. Sans lui, pas de Méditerranée. En effet, l'évaporation enlève à cette mer trois fois plus d'eau que ne lui en fournissent ses fleuves. Et faute de ce courant de l'Atlantique qui la régénère en se propageant à travers le détroit, elle ne serait plus, depuis bien des siècles, qu'une sorte de mer morte, au lieu d'être par excellence la mer vivante. C'est dans un de ses plus profonds réduits, l'un des plus inconnus de ce vaste lac méditerranéen, que le comte Mathias Sandorff, il devait rester jusqu'à l'heure voulue, jusqu'à l'entier accomplissement de son œuvre, le docteur Antekirt, avait caché sa vie pour bénéficier de tous les avantages que lui donnait sa fausse mort. Il y a deux Méditerranées sur le globe terrestre, l'une dans l'Ancien Monde, l'autre dans le Nouveau. La Méditerranée américaine, c'est le golfe du Mexique. Elle ne couvre pas moins de 4,5 millions de kilomètres. Si la Méditerranée latine n'a qu'une superficie de 2,885,522 km², soit la moitié de l'autre, elle est plus variée dans son dessin général, plus riche en bassins et en golfes distincts, en larges subdivisions hydrographiques qui ont mérité le nom de mer. Telle l'archipel grec, la mer de Crète au-dessus de l'île de ce nom, la mer libique au-dessous, la mer adriatique entre l'Italie, l'Autriche, la Turquie et la Grèce, la mer ionienne qui baigne Corfou, Zante, Céphalonie et autres îles, la mer tyrrhénienne dans l'ouest de l'Italie, la mer éolienne autour du groupe Lipariote, le golfe du Lion, échancrure de la Provence, le golfe de Gênes, échancrure des deux Liguries, le golfe de Gabès, échancrure des rivages tunisiens, les deux Sirtes, si profondément creusées entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine dans le continent africain. De quel secret endroit de cette mer, dont certains atterrages sont peu connus encore, le docteur Antekirt avait-il fait choix pour y vivre? Il y a des îles par centaines, des îlots par milliers sur le périple de cet immense bassin. On chercherait vainement à en compter les pointes et les criques. Que de peuples, différents de races, de mœurs, d'états politiques, se pressent sur ce littoral où l'histoire de l'humanité a mis son empreinte depuis plus de 20 siècles. Des Français, des Italiens, des Espagnols, des Autrichiens, des Ottomans, des Grecs, des Arabes, Égyptiens, Tripolitains, Tunisiens, Algériens, Marocains, et même des Anglais à Gibraltar, à Malte et à Chypre. Trois vastes continents lancèrent de leurs rivages, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Où donc le comte Mathias Sandorff, devenu le docteur Antekirt, nom qui était cher aux pays orientaux, avait-il cherché la lointaine résidence dans laquelle allait s'élaborer le programme de sa vie nouvelle? C'est ce qu'allait bientôt apprendre Pierre Bathory. Pierre, après avoir ouvert un instant les yeux, était retombé dans une prostration complète, aussi insensible qu'au moment où le docteur l'avait laissé pour mort dans la maison de Raguse. À ce moment, le docteur venait de produire un de ses effets physiologiques dans lesquelles la volonté joue un si grand rôle et dont les phénomènes ne sont plus mis en doute. Doué d'une singulière puissance de suggestion, il avait pu, sans s'aider de la lumière du magnésium ni même d'un point métallique brillant, rien que par la pénétration de son regard, provoquer chez les jeunes mourants un état hypnotique et substituer sa volonté à la sienne. Pierre, très affaibli par la perte de son sang, n'ayant plus apparence de vie, n'était qu'endormi cependant, et il venait de se réveiller par la volonté du docteur. Mais cette vie, prête à s'échapper, il s'agissait de la conserver maintenant. Tâche difficile, car elle exigeait des soins minutieux et toutes les ressources de l'art médical. Le docteur n'y devait point faillir. « Il vivra, je veux qu'il vive », se répétait-il. « Ah, pourquoi, à Cattaro, n'ai-je pas mis mon premier projet à exécution? Pourquoi l'arrivée de Sarcani à Raguse m'a-t-elle empêché de l'arracher à cette ville maudite? Mais je le sauverai. À l'avenir, Pierre Bathory doit être le bras droit de Mathias Sandorff. » En effet, depuis 15 ans, punir et récompenser, telle avait été la pensée constante du docteur Antekirt. Ce qu'il devait à ses compagnons, Étienne Bathory et Ladislas Zatmar, encore plus qu'à lui-même, il ne l'avait pas oublié. Maintenant, l'heure était venue d'agir, et c'est pourquoi la Savarena l'avait transporté à Raguse. Le docteur, pendant cette longue période, avait changé au physique, et de telle façon qu'il eût été impossible de le reconnaître. Ses cheveux, qu'il portait en brosse, étaient devenus blancs, et son teint avait pris une pâleur mate. C'était un de ces hommes de 50 ans, qui ont gardé la force de la jeunesse tout en gagnant la froideur et le calme de l'âge mûr. La chevelure touffue, le teint coloré, la barbe d'un rouge vénitien du jeune comte Sandorff, rien de cela ne pouvait revenir à l'esprit de ceux qui se trouvaient en présence du sévère et froid docteur Antekirt. Mais plus affiné, plus trempé, il était resté une de ces natures de fer dont on pourrait dire qu'elle troublerait l'aiguille aimantée rien qu'en l'approchant. Eh bien, du fils d'Étienne Bathory, il voulait, il saurait faire ce qu'il avait fait de lui-même. D'ailleurs, et depuis longtemps déjà, le docteur Antekirt était resté seul de toute cette grande famille des Sandorff. On ne l'a pas oublié, il avait un enfant, une petite fille, qui après son arrestation avait été confiée à la femme de Landeck, l'intendant du château d'Artenac. Cette petite fille, âgée de 2 ans alors, était l'unique héritière du comte. C'est à elle que devait revenir, quand elle aurait 18 ans, la moitié des biens de son père, réservés par le jugement qui prononçait la confiscation en même temps que la mort. L'intendant Landeck avait été laissé, en qualité de régisseur, de cette portion du domaine de Transylvanie, mise sous séquestre. Sa femme et lui étaient restés au château avec cet enfant, à laquelle ils voulaient vouer toute leur vie. Mais il semblait qu'une fatalité pesât sur la famille Sandorff, maintenant réduite à ce petit être. Quelques mois après la condamnation des conspirateurs de Trieste et les événements qui en furent la conséquence, cet enfant disparut, sans qu'il fût possible de la retrouver. On ne recueillit que son chapeau sur le bord de l'un de ces nombreux cours d'eau que les contreforts voisins versaient dans le parc. Il fut donc malheureusement trop certain que la petite fille avait été entraînée au fond de l'un de ces gouffres dans lesquels se jettent les torrents des Carpates, et on n'en put relever aucun autre vestige. Rosanna Landeck, la femme de l'intendant, frappée mortellement par une telle catastrophe, mourut quelques semaines après. Cependant, le gouvernement ne voulut rien changer aux dispositions prises à l'époque du jugement. Le séquestre fut maintenu sur la partie réservée du domaine, et les biens du comte Sandorff ne devaient faire retour à l'État que si son héritière, dont la mort n'avait pu être légalement constatée, ne reparaissait pas dans le temps fixé pour qu'elle pût recueillir l'héritage. Tel fut le dernier coup qui avait atteint la race des Sandorff, menacée de s'éteindre par la disparition du seul rejeton de cette noble et puissante famille. Puis le temps accomplit peu à peu son œuvre, et l'oubli se fit sur cet événement comme sur tous les faits qui se rattachaient à la conspiration de Trieste. Ce fut à Otrante, où il vivait alors dans le plus strict incognito, que Mathias Sandorff apprit la mort de son enfant. Avec cette petite fille, disparaissait tout ce qui lui était resté de la comtesse Réna, si peu de temps sa femme et qu'il avait tant aimée. Puis un jour, il quitta Otrante, inconnu comme il y était arrivé, et personne n'eût su dire où il était allé recommencer sa vie. 15 ans plus tard, au moment où le comte Mathias Sandorff reparaissait sur la scène, nul n'aurait pu soupçonner qu'il se cachait sous le nom et qu'il jouait ce rôle du docteur Antekirt. C'est alors que Mathias Sandorff se donna tout entier à son œuvre. Maintenant, il était seul au monde, avec une tâche à accomplir, tâche qu'il regardait comme sacrée. Plusieurs années après avoir quitté Otrante, devenu puissant de toute cette puissance que peut donner une immense fortune acquise dans des circonstances qui seront bientôt connues, oublié et couvert par son incognito, il se remit sur la trace de ceux qu'il s'était juré de récompenser ou de punir. Déjà dans sa pensée, Pierre Bathory devait être associé à cette œuvre de justice. Des agents furent établis par ses soins dans diverses villes du littoral méditerranéen. Largement rétribués, tenus à garder le secret le plus absolu dans leurs fonctions, ils ne correspondaient qu'avec le docteur, soit par les rapides engins que l'on connaît, soit par le fil sous-marin qui reliait l'île Antikyrta aux câbles électriques de Malte, et par Malte avec l'Europe. Ce fut en faisant vérifier les dires de ses agents que le docteur parvint à retrouver les traces de tous ceux qui avaient été mêlés directement ou indirectement à la conspiration du comte Sandorff. Il put donc les surveiller de loin, se tenir au courant de leurs actes, et pour ainsi dire, les suivre pas à pas, surtout depuis 4 ou 5 ans. Silas Torontal, il sut qu'il avait quitté Trieste pour venir se fixer à Raguse avec sa femme et sa fille, dans cet hôtel du Stradone. Sarcani, il releva sa piste à travers les principales villes d'Europe, où il dévorait sa fortune. Puis en Sicile, au milieu de ses provinces de l'Est, dans lesquelles son compagnon Zirone et lui méditaient quelques coups qui pût les remettre à flot. Carpena, il apprit qu'il avait quitté Rovigno et l'Istrie pour vivre à ne rien faire en Italie ou en Autriche, tant que les quelques milliers de florins, solde de la délation, lui permettraient de rester oisif. Puis ce fut Andrea Ferrato qui l'eût fait évader du bagne de Stein en Tyrol, où il expiait sa généreuse conduite envers les fugitifs de Picino, si la mort ne fût venue, après quelques mois, délivrer l'honnête pêcheur des fers du galérien. Quant à ses enfants, Maria et Luigi, eux aussi avaient abandonné Rovigno, et sans doute, ils luttaient contre les misères d'une vie deux fois brisée. Mais ils s'étaient si bien cachés qu'il n'avait pas été possible de se remettre sur leurs traces. Pour Madame Bathory, établie à Raguse avec son fils, Pierre, et Boric, le vieux serviteur de Ladislas Zatmar, le docteur ne l'avait jamais perdu de vue, et l'on sait comment il lui avait fait parvenir une somme considérable qui ne fut pas acceptée par la fière et courageuse femme. Mais l'heure était venue, enfin, où le docteur allait pouvoir commencer sa difficile campagne. C'est alors qu'assuré de ne jamais être reconnu, après 15 ans d'absence, lui que l'on croyait mort, il arriva à Raguse. Et ce fut juste à point pour trouver le fils d'Étienne Bathory et la fille de Silas Torontal, unis dans un amour qu'il fallait briser à tout prix. On n'a pas oublié ce qui arriva alors. L'intervention de Sarcani en cette affaire, les conséquences qu'elle amena de part et d'autre, et comment Pierre Bathory fut rapporté dans la maison de sa mère, ce que fit le docteur Antekirt, au moment où le jeune homme allait mourir. Comment et dans quelles conditions il le rappela à la vie pour se révéler à lui sous son véritable nom de Mathias Sandorff. Maintenant, il fallait le guérir, et il fallait lui apprendre tout ce qu'il ignorait encore, c'est-à-dire qu'une odieuse trahison avait livré avec son père les deux compagnons d'Étienne Bathory. Il fallait lui dire quels étaient ses traîtres. Il fallait enfin l'associer à ce rôle d'implacable justicier que le docteur prétendait exercer en dehors de la justice humaine, puisque lui-même avait été victime de cette justice. Donc, avant tout, la guérison de Pierre Bathory, et ce fut à cette guérison qu'il importait de se donner tout entier. Pendant les 8 premiers jours, après son transport dans l'île, Pierre fut véritablement entre la vie et la mort. Non seulement sa blessure avait un caractère très grave, mais son moral était plus malade encore. le souvenir de Sava, qu'il devait croire marié maintenant avec ce Sarkany, la pensée de sa mère qui le pleurait, puis cette résurrection du comte Mathias Sandorff, vivant sous le nom du docteur Antekirt, Mathias Sandorff, l'ami le plus dévoué de son père, tout cela était bien pour troubler une âme si éprouvée déjà. Le docteur ne voulut quitter Pierre ni jour ni nuit. Il l'entendit dans son délire répéter le nom de Sava Torontal. Il comprit combien son amour était profond et quelle torture le mariage de celle qu'il aimait devait lui infliger. Il en vint à se demander si cet amour ne résisterait pas à tout, même quand Pierre apprendrait que Sava était la fille de l'homme qui avait livré, vendu, tué son père. Le docteur le lui dirait cependant. Il y était résolu, c'était son devoir. 20 fois on put croire que Pierre Bathory allait succomber. Doublement atteint au moral et au physique, il fut si près de la mort qu'il ne reconnaissait plus le comte Mathias Sandorff à son chevet. Il n'avait même plus la force de prononcer le nom de Sava. Cependant, les soins l'emportèrent et la réaction se fit. La jeunesse reprit le dessus. Le malade allait guérir du corps bien avant de guérir de l'âme. Sa blessure commença à se cicatriser, ses poumons reprirent leur fonctionnement normal et vers le 17 juillet, le docteur eut l'assurance que Pierre serait sauvé. Ce jour-là, le jeune homme le reconnut. D'une voix bien faible encore, il put l'appeler de son vrai nom. « Pour toi, mon fils, je suis Mathias Sandorff, » lui répondit-il, « mais pour toi seul. » Et comme Pierre, d'un regard, semblait lui demander des explications qu'il devait être si impatient d'obtenir, « Plus tard, » ajouta-t-il, « plus tard. » C'était dans une jolie chambre, largement exposée à la saine brise de la mer, dont les fenêtres s'ouvraient, au nord et à l'est, sous l'ombrage de beaux arbres auxquels les eaux vives et courantes conservaient une éternelle verdeur, que la convalescence de Pierre allait s'opérer rapidement et sûrement. Le docteur ne cessa pas de lui donner des soins. Il accourait près de lui à tout instant, mais depuis que la guérison lui avait paru assurée, qu'on ne s'étonne pas si s'était adjoint un aide, dont l'intelligence et la bonté lui inspiraient une absolue confiance. C'était Pointe Pescade, dévoué à Pierre Bathory comme au docteur. Il va sans dire que Cap Matifou et lui avaient gardé le plus absolu secret sur tout ce qui s'était passé au cimetière de Raguse, et qu'il ne devait jamais révéler à personne que le jeune homme eût été retiré vivant de sa tombe. Pointe Pescade avait été mêlé assez intimement à tous les faits qui venaient de se produire pendant cette période de quelques mois. Par suite, il s'était pris d'un vif intérêt pour son malade. Cet amour de Pierre Bathory, traversé par l'intervention de Sarkany, un impudent qui lui inspirait une antipathie bien justifiée, la rencontre du convoi et des voitures de mariage devant l'hôtel du Stradone, l'exhumation pratiquée dans le cimetière de Raguse, tout cela avait profondément remué ce bon être, et d'autant mieux qu'il se sentait associé, sans en comprendre encore le but, au dessein du docteur Antekir. Il s'ensuit donc que Pointe Pescade accepta avec empressement la tâche de garder le malade. Recommandation lui fut faite en même temps de le distraire autant que possible par sa joyeuse humeur. Il n'y faillit point. D'ailleurs, depuis la fête de Gravosa, il considérait Pierre Bathory comme un créancier, et à l'occasion, il s'était toujours promis de s'acquitter d'une façon ou d'une autre. Voilà donc pourquoi Pointe Pescade, installé près du convalescent, s'essayait à détourner le cours de ses pensées en causant, en bavardant, en ne lui laissant pas le temps de réfléchir. C'est dans ces conditions qu'un jour, sur une demande directe de Pierre, il fut amené à dire comment il avait fait la connaissance du docteur Antekirt. « C'est l'affaire du Trabacolo, monsieur Pierre, » répondit-il. « Vous devez vous en souvenir ? L'affaire du Trabacolo, qui a fait tout simplement un héros de Cap Matifou. » Pierre n'avait point oublié le grave événement qui avait marqué la fête de Gravosa à l'arrivée du yacht de plaisance. Mais il ignorait que sur la proposition du docteur, les deux acrobates eussent abandonné leur métier pour passer à son service. « Oui, monsieur Bathory, » répondit Pointe Pescade. « Oui, cela est. Et le dévouement de Cap Matifou a été pour nous un coup de fortune. Mais ce que nous devons au docteur ne doit pas nous faire oublier ce que nous devons à vous-même. « À moi ? À vous, monsieur Pierre, à vous qui, ce jour-là, avez failli devenir notre public. c'est-à-dire une somme de 2 florins que nous n'avons pas gagnée puisque notre public nous a fait défaut, bien qu'il eût payé sa place. » Et Pointe-Pescade rappela à Pierre Bathory comment, au moment d'entrer dans l'arène provençale, après avoir versé cette somme de 2 florins, il avait tout à coup disparu. Le jeune homme avait perdu le souvenir de cet incident, mais il répondit en souriant à Pointe-Pescade. Triste sourire, car il se souvint aussi qu'il ne s'était mêlé à la foule que pour y retrouver Savatorontal. Ses yeux se refermèrent alors. Il réfléchissait à tout ce qui était advenu depuis ce jour. En songeant à Sava qu'il croyait, qu'il devait croire marié, une douloureuse angoisse l'étreignait, et il était tenté de maudire ce qu'il avait arraché à la mort. Pointe-Pescade vit bien que cette fête de Gravosa rappelait à Pierre de tristes souvenirs. Il n'insista donc pas, il garda même le silence, se disant à part lui « Une demi-cuillerée de bonne humeur à faire prendre toutes les 5 minutes à mon malade, oui, voilà bien l'ordonnance du docteur, mais pas commode à suivre. » Ce fut Pierre qui rouvrit les yeux quelques instants plus tard et reprit la parole. « Ainsi, Pointe-Pescade, demanda-t-il, avant l'affaire du Trabacolo, vous ne connaissiez pas le docteur Antekirt ?»« Nous ne l'avions jamais vu, monsieur Pierre, répondit Pointe-Pescade, et nous ignorions jusqu'à son nom. Et depuis ce jour, vous ne l'avez jamais quitté ? » ?»« Jamais, si ce n'est que pour quelques missions dont il avait bien voulu me charger. » »« En quel pays sommes-nous ici ? Pourriez-vous me le dire, Pointe-Pescade ?»« J'ai lieu de croire, monsieur Pierre, que nous sommes dans une île, puisque la mer nous environne. » »« Sans doute, mais dans quelle partie de la Méditerranée ? » ?»« Ah voilà, est-ce au sud ? Est-ce au nord ? Est-ce à l'ouest ? Est-ce à l'est ?» répondit Pointe-Pescade. « C'est ce que j'ignore absolument. Bon, après tout, peu importe. Ce qui est certain, c'est que nous sommes chez le docteur Antekirt et qu'on y est bien nourri, bien habillé, bien couché, sans compter les égards. » « Mais au moins, savez-vous comment se nomme cette île dont vous ne connaissez pas la situation ?» demanda Pierre. « Comment elle se nomme ?»« Oh, parfaitement, » répondit Pointe-Pescade. « Elle se nomme Antekirta. » Pierre Bathory chercha vainement dans sa mémoire si quelque île de la Méditerranée portait ce nom, et il regarda Pointe-Pescade. « Oui, monsieur Pierre, oui, » répondit le brave garçon, « Antekirta, pas rien du tout de longitude et encore moins de latitude. Méditerranée, c'est à cette adresse que mon oncle devrait m'écrire, si j'avais un oncle, mais jusqu'ici le ciel m'a refusé cette joie. Après tout, rien d'étonnant à ce que cette île s'appelle Antekirta, puisqu'elle appartient au docteur Antekirt. Quant à vous dire si le docteur a pris son nom de l'île, ou si l'île a pris son nom du docteur, voilà ce qui me serait impossible, même si j'étais secrétaire général de la Société de géographie. » Cependant, la convalescence de Pierre suivait son cours régulier. Aucune des complications que l'on pouvait craindre ne se produisit. Avec une nourriture plus substantielle, mais prudemment ménagée, le malade reprenait visiblement ses forces de jour en jour. Le docteur le visitait souvent et causait avec lui de toutes choses, excepté de celles qui devaient plus directement l'intéresser. Et Pierre, ne voulant pas provoquer des confidences prématurées, attendait qu'il lui convînt de les faire. Pointe-Pescade avait toujours fidèlement rapporté au docteur les bribes de conversation échangées entre son malade et lui. Évidemment, cet incognito qui couvrait non seulement le comte Mathias Sandorff, mais jusqu'à l'île dont il faisait sa résidence, préoccupait Pierre Bathory. Non moins évidemment, il pensait toujours à Savatorontal, si éloigné de lui maintenant, puisque toute communication semblait rompue entre Antekirta et le reste du continent européen. Mais le moment approchait où il serait assez fort pour tout entendre. Oui, tout entendre, et ce jour-là, comme le chirurgien qui opère, le docteur serait insensible aux cris du patient. Plusieurs jours s'écoulèrent. La blessure du jeune homme était complètement cicatrisée. Déjà même, il pouvait se lever et prendre place près de la fenêtre de sa chambre. Un bon soleil méditerranéen venait l'y caresser. Une vivifiante brise de mer, emplissant ses poumons, lui rendait santé et vigueur. Comme malgré lui, il se sentait renaître. Alors ses yeux s'attachaient obstinément sur cet horizon sans bornes, au-delà duquel il eût voulu plonger son regard, et en lui le moral était bien malade encore. Cette vaste étendue d'eau autour de l'île inconnue était presque toujours déserte. À peine quelques caboteurs, Chébec ou Tartane, Polacre ou Spéronard, apparaissaient-ils au large, sans jamais faire route pour y accoster. Jamais un grand navire de commerce, jamais un de ces paquebots dont les lignes sillonnent en tous sens le grand lac européen. On eût dit en vérité qu'Antequerta se trouvait relégué aux confins du monde. Le 24 juillet, le docteur annonça à Pierre Bathory qu'il pourrait sortir le lendemain dans l'après-midi, et il s'offrit à l'accompagner pendant cette première promenade. « Docteur, répondit Pierre, si j'ai la force de sortir, je dois avoir la force de vous entendre. »« M'entendre, Pierre, que veux-tu dire ?»« Je veux dire que vous savez toute mon histoire et que moi je ne sais pas la vôtre. » Le docteur le regarda attentivement, non plus en ami, mais en médecin qui va décider s'il portera le fer ou le feu dans les chairs vives du malade. Puis, s'asseyant près de lui, « Tu veux connaître mon histoire, Pierre ? Eh bien, écoute-moi donc. Chapitre 2. Le passé et le présent. Et d'abord, l'histoire du docteur Antequirt, qui commence au moment où le comte Mathias Sandorf vient de se précipiter dans les eaux de l'Adriatique. Au milieu de cette grêle de balles dont me couvrit la dernière décharge des agents de la police, je passais sain et sauf. La nuit était très obscure, on ne pouvait me voir. Le courant portait au large et je n'aurais pu revenir à terre même si je l'eusse voulu. Mais je ne voulais pas d'ailleurs. Mieux valait mourir que d'être repris pour être ramené et fusillé au donjon de Piscine. Si je succombais, tout était fini. Si je parvenais à me sauver, je pourrais du moins passer pour mort. Rien ne me gênerait plus dans l'œuvre de justice que j'avais juré au comte Zatmar, à ton père et à moi-même d'accomplir, et que j'accomplirai. « Une œuvre de justice ?» répondit Pierre, dont l'œil s'anima à ce mot si inattendu pour lui. « Oui, Pierre, et cette œuvre tu la connaîtras, car c'est pour t'y associer que j'ai été arraché, mort comme moi, mais vivant comme moi, au cimetière de Raguse. » À ces paroles, Pierre Bathory se sentit reporté de 15 ans en arrière, à cette époque où son père tombait sur la place d'armes de la forteresse de Piscine. Devant moi, reprit le docteur, s'ouvrait toute une mer jusqu'au littoral italien. Si bon nageur que je fusse, je ne pouvais prétendre à la traverser, à moins d'être providentiellement secouru, soit que je rencontrasse une épave, soit qu'un navire étranger me recueillît à son bord, j'étais destiné à périr. Mais quand on a fait le sacrifice de sa vie, on est bien fort pour la défendre, si la défense devient possible. D'abord, j'avais plongé à plusieurs reprises pour échapper au dernier coup de feu. Puis, lorsque je fus certain de n'être plus aperçu, je me maintins à la surface de la mer et je me dirigeai vers le large. Mes vêtements me gênaient peu, étant fort légers et ajustés au corps. Il devait être alors 9h30 du soir. Suivant mon estime, je nageai pendant plus d'une heure dans une direction opposée à la côte, en m'éloignant de ce port de Rovigno, dont je vis les dernières lumières s'effacer peu à peu. Où allais-je ainsi? Et quel était mon espoir? Je n'en avais aucun, Pierre, mais je sentais en moi une force de résistance, une ténacité, une volonté surhumaine qui me soutenait. Ce n'était plus ma vie que je cherchais à sauver, c'était mon œuvre dans l'avenir. Et à ce moment, si quelque barque de pêche fût venue à passer, j'eusse aussitôt plongé pour l'éviter. Sur ce littoral autrichien, combien de traîtres pouvais-je trouver encore, prêts à me livrer pour toucher leur prime? Combien de Carpena pour un honnête Andrea Ferrato? Ce fut même ce qui arriva à la fin de la première heure. une embarcation apparut dans l'ombre, presque subitement. Elle venait du large et courait au plus près pour atteindre la terre. Comme j'étais déjà fatigué, je venais de m'étendre sur le dos, mais instinctivement je me retournai prêt à disparaître. Une barque de pêche qui ralliait un des ports de l'Istrie ne pouvait que m'être suspecte. Je fus presque aussitôt fixé à cet égard. Un des matelots cria en langue dalmate de changer de bord. Soudain je plongeai, et l'embarcation, avant que ceux qui la montaient eussent pu m'apercevoir, vira au-dessus de ma tête. À bout de respiration, je vins reprendre haleine à l'air libre, et je continuai à gagner dans l'ouest. La brise mollissait avec la nuit. Les lames tombaient avec le vent. Je n'étais plus soulevé que par de longues houles de fond qui m'entraînaient vers la haute mer. C'est ainsi que, tantôt nageant, tantôt me reposant, je m'éloignais de la côte pendant une heure encore. Je ne voyais que le but à atteindre, non le chemin à parcourir. 50 000 pour traverser l'Adriatique. Oui, je voulais les franchir. Oui, je les franchirais. Ah, Pierre, il faut avoir passé par de telles épreuves pour savoir ce dont l'homme est capable. Quelle résultante de la force morale unie à la force physique il peut sortir de la machine humaine. Pendant une seconde heure, je me soutins ainsi. Cette portion de l'Adriatique était absolument déserte. Les derniers oiseaux l'avaient abandonnée pour regagner leur trou dans les roches. Il ne passait plus au-dessus de ma tête que des goélands ou des mouettes qui poussaient des cris aigus en s'envolant par couple. Cependant, bien que je ne voulusse rien sentir de la fatigue, mes bras devenaient lourds, mes jambes pesantes. Déjà mes doigts s'entr'ouvraient, et je ne parvenais que très difficilement à tenir mes mains fermées. Ma tête me pesait comme si j'eusse eu un boulet attaché aux épaules, et je commençais à ne plus pouvoir la maintenir hors de l'eau. Une sorte d'hallucination m'envahit alors. La direction de mes pensées m'échappa. D'étranges associations d'idées se firent dans mon cerveau troublé. Je sentis que je ne pourrais plus voir ni entendre qu'imparfaitement, soit un bruit qui se produirait à quelque distance de moi, soit une lumière, si je me trouvais tout à coup dans sa portée. Et ce fut précisément ce qui arriva. Il devait être environ minuit, quand il se fit un grondement sourd et lointain dans l'est, grondement dont je n'aurais pu reconnaître la nature. Un éclat traversa mes paupières, qui se fermaient malgré moi. J'essayai de relever la tête, et je n'y parvins qu'en me laissant immerger à demi. Puis je regardai. Je te donne tous ces détails, Pierre, parce qu'il faut que tu les connaisses, et que par là tu me connaisses aussi. Je n'ignore rien de vous, docteur, rien, répondit le jeune homme. Pensez-vous donc que ma mère ne m'ait pas appris ce qu'était le comte Mathias Sandorff? Qu'elle a connu Mathias Sandorff, soit, Pierre, mais le docteur Antekirt, non. Et c'est celui-là qu'il faut que tu connaisses. Écoute-le donc, écoute-moi. Le bruit que j'avais entendu était produit par un bâtiment qui venait de l'est et portait sur la côte italienne. La lumière, c'était son feu blanc, suspendu à l'été de misaine, ce qui indiquait un steamer. Quant à ses feux de position, je ne tardai pas à les apercevoir, le rouge à bâbord, le vert à tribord, et comme je les voyais simultanément, c'est que le bâtiment se dirigeait sur moi. L'instant allait être décisif. En effet, toutes les chances étaient pour que ce steamer fût autrichien, puisqu'il venait du côté de Trieste. Or, de lui demander asile, autant valait se remettre entre les mains des gendarmes de Rovigno. J'étais bien décidé à ne point le faire, mais non moins décidé à profiter du moyen de salut qui se présentait. Ce steamer était un navire de vitesse. Il grandissait démesurément en s'approchant de moi, et je voyais la mer blanchir à son étrave. En moins de 2 minutes, il devait avoir coupé la place où je restais immobile. Que ce steamer fût autrichien, je n'en doutais pas, mais il n'y avait rien d'impossible à ce qu'il fût à destination de Brindisi et d'Otrante, ou du moins qu'il y fît escale. Or, si cela était, il devait y arriver en moins de 24 heures. Mon parti fut pris. J'attendis. Sûr de n'être point aperçu au milieu de l'obscurité, je me maintins dans la direction suivie par cette énorme masse, dont la marche était très modérée, alors, et que balançait à peine le roulement de la houle. Enfin, le steamer arriva sur moi, dominant la mer de toute son étrave, à plus de 20 pieds de hauteur. Je fus englobé dans l'écume de l'avant, mais non heurté. La longue coque de fer me frôla, et je m'écartai vigoureusement de la main. Cela dura quelques secondes à peine. Puis, quand je vis se dessiner les façons relevées de l'arrière, au risque d'être broyé par l'hélice, je m'accrochai au gouvernail. Heureusement, le steamer était en pleine charge, et son hélice, profondément immergée, ne battait pas l'eau à sa surface, car je n'aurais pu me dégager de ce tourbillon, ni retenir le point d'appui auquel je m'étais cramponné. Mais comme cela existe dans tous les navires à vapeur, deux chaînes de fer pendaient à l'arrière et venaient se relier au gouvernail. Je saisis l'une de ces chaînes, je m'élevai jusqu'à leur crampon d'amarrage, un peu au-dessus de l'eau, et je m'installai tant bien que mal près de l'étambeau. J'étais relativement en sûreté. 3 heures après, le jour vint. Je calculai qu'il me faudrait rester dans cette situation pendant 20 heures encore, si le steamer faisait escale à Brindisi ou à Otrante. Ce dont je devais le plus souffrir, ce serait de la soif et de la faim. L'important, c'est que je ne pouvais être aperçu du pont, ni même de la baleinière, suspendue à l'arrière sur ses porte-manteaux. De quelques bâtiments courants à contrebord, il est vrai que je pouvais être vu et signalé. Mais peu de navires nous croisèrent pendant cette journée, et ils passèrent assez loin pour qu'on ne pût apercevoir un homme accroché dans les chaînes du gouvernail. Un ardent soleil me permit bientôt de faire sécher mes vêtements, dont je me dépouillai. Les 300 florins d'Andrea Ferrato étaient toujours dans ma ceinture. Ils devaient m'assurer la sécurité lorsque je serais à terre. Là, je n'aurais rien à craindre. En pays étranger, le comte Mathias Sandorf n'avait point à redouter les agents de l'Autriche. Il n'y a pas d'extradition pour les réfugiés politiques. Mais il ne me suffisait pas que ma vie fût sauve. Je voulais que l'on crût à ma mort. Personne ne devait savoir que le dernier fugitif du donjon de Picino eût pris pied sur la terre italienne. Ce que je voulais se réalisa. La journée se passa sans incident. La nuit vint. Vers 10 heures du soir, un feu brilla à intervalles réguliers dans le sud-ouest. C'était le phare de Brindisi. 2 heures après, le steamer donnait à travers les passes. Mais alors, avant que le pilote fût venu à bord, environ à 2 milles de terre, après avoir fait un paquet de mes vêtements que je fixais sur mon cou, j'abandonnai les chaînes du gouvernail et je me glissai doucement dans l'eau. 1 minute après, j'avais perdu de vue le steamer qui jetait dans l'air les hennissements de son sifflet à vapeur. 1 demi-heure plus tard, par une mer calme sur une grève sans ressac, je débarquai à l'abri de tout regard. Je me réfugiai dans les roches, je me rhabillai, et au fond d'une anfractuosité garnie de goémons secs, la fatigue l'emportant sur la faim, je m'endormis. Au lever du jour, j'entrai à Brindisi. Je cherchai un des plus modestes hôtels de la ville, et là j'attendis les événements avant d'arrêter le plan de toute une vie nouvelle. 2 jours après, Pierre, les journaux m'apprenaient que la conspiration de Trieste avait eu son dénouement. On disait aussi que des recherches avaient été faites pour retrouver le corps du comte Sandorf, mais sans résultat. J'étais tenu pour mort, aussi mort que si je fusse tombé avec mes 2 compagnons, Ladislas Zatmar et ton père Étienne Bathory, sur la place d'armes du donjon de Picino. Moi, mort ? Non, Pierre, et l'on verra si je suis vivant. Pierre Bathory avait évidemment écouté le récit du docteur. Il était aussi vivement impressionné que si ce récit lui eût été fait du fond d'une tombe. Oui, c'était le comte Mathias Sandorf qui parlait ainsi. Vis-à-vis de lui, vivant portrait de son père, sa froideur habituelle l'avait peu à peu abandonné. Il lui avait ouvert entièrement son âme, il venait de la lui montrer telle qu'elle était, après l'avoir cachée à tous depuis tant d'années. Mais il n'avait encore rien dit de ce que Pierre brûlait d'apprendre, rien de ce qu'il attendait de son concours. Ce que le docteur venait de raconter de son audacieuse traversée de l'Adriatique était vrai jusque dans ses moindres détails. C'est ainsi qu'il était arrivé sain et sauf à Brindisi, tandis que Mathias Sandorf allait rester mort pour tous. mais il s'agissait de quitter Brindisi sans retard. Cette ville n'est qu'un port de passage. On vient s'y embarquer pour les Indes, ou y débarquer pour l'Europe. Il est le plus souvent vide, excepté un ou deux jours par semaine, à l'arrivée des paquebots, et plus particulièrement de ceux de la Peninsula and Oriental Company. Or, cela suffisait pour que le fugitif de Picino pût être reconnu. Et on le répète, il n'avait rien à craindre pour sa vie, mais il lui importait que l'on crût à sa mort. C'est à cela que le docteur réfléchissait, le lendemain de son arrivée à Brindisi, en se promenant au pied de la terrasse que domine la colonne de Cléopâtre, à l'endroit même où commençait l'antique voie appienne. Déjà, le plan de sa vie nouvelle était arrêté. Il voulait aller dans l'Orient conquérir la richesse, et avec elle la puissance. Mais de s'embarquer sur un de ces paquebots qui font le service sur la côte de l'Asie mineure, au milieu de passagers de toutes nations, cela ne pouvait lui convenir. Il lui fallait un moyen de transport plus secret qu'il ne pouvait trouver à Brindisi. Aussi, le soir même, partait-il pour Otrante par le chemin de fer. En 1 heure et demie, le train eut atteint cette ville, située presque au bout du talon de la botte italienne, sur ce canal qui forme l'étroite entrée de l'Adriatique. Là, dans ce port, presque abandonné, le docteur put faire le prix avec le patron d'un chébec, prêt à partir pour Smyrne, où il réexportait un chargement de petits chevaux albanais qui n'avaient pas trouvé acquéreur à Otrante. Le lendemain, le chébec prenait la mer, et le docteur voyait s'abaisser sous l'horizon le phare de Punta di Luca, à l'extrême pointe de l'Italie, tandis que sur la côte opposée, les monts Acroceronia s'effaçaient dans les brumes. Quelques jours plus tard, après une traversée sans incident, le cap Matapan était doublé à l'extrémité de la Grèce méridionale, et le chébec arrivait au port de Smyrne. Le docteur avait succinctement raconté à Pierre cette partie de son voyage, puis aussi comment il apprit par les journaux cette mort imprévue de sa petite fille qui le laissait seul au monde. « Enfin, dit-il, j'étais sur cette terre de l'Asie mineure où pendant tant d'années j'allais vivre inconnu. C'est aux études de médecine, de chimie, de sciences naturelles dont je m'étais nourri pendant ma jeunesse dans les écoles et universités de la Hongrie où ton père professait avec tant de renom. C'est à ces études que j'allais demander maintenant de suffire à mon existence. » Je fus assez heureux pour réussir, et plus promptement que je ne devais l'espérer. D'abord à Smyrne, où pendant 7 ou 8 ans, je me fis une grande réputation comme médecin. Quelques cures inespérées me mirent en rapport avec les plus riches personnages de ces contrées, dans lesquelles l'art médical est encore à l'état rudimentaire. Je résolus alors de quitter cette ville, et comme les professeurs d'autrefois, guérissant en même temps que j'enseignais l'art de guérir, m'initiant à la thérapeutique inconnue des Talebs de l'Asie mineure et des Pandis de l'Inde, je parcourus toutes ces provinces, m'arrêtant ici quelques semaines, là quelques mois, appelé, demandé à Karahisar, à Binder, à Adana, à Haleb, à Tripoli, à Damas, toujours précédé d'une renommée qui croissait sans cesse et récoltant une fortune qui croissait avec ma renommée. Mais ce n'était pas assez. Il me fallait acquérir une puissance sans bornes, telle qu'aurait pu l'avoir un de ces opulents rajas de l'Inde dont la science eût égalé la richesse. Cette occasion se présenta. Il y avait à Homs, dans la Syrie septentrionale, un homme qui se mourait d'une maladie lente. Aucun médecin jusqu'alors n'avait pu en reconnaître la nature. De là, impossibilité d'appliquer un traitement convenable. Ce personnage, nommé Faz Rat, avait occupé de hautes positions dans l'Empire ottoman. Il n'était alors âgé que de 45 ans et regrettait d'autant plus la vie qu'une immense fortune lui permettait d'en épuiser toutes les jouissances. Faz Rat avait entendu parler de moi, car à cette époque, ma réputation était déjà grande. Il me fit prier de venir le voir à Homs et je me rendis à son invitation. « Docteur, me dit-il, la moitié de ma fortune est à toi si tu me rends la vie. » « Garde cette moitié de ta fortune, lui répondis-je. Je te soignerai et te guérirai, si Dieu le permet. » J'étudiai attentivement ce malade que les médecins avaient abandonné. Quelques mois, au plus, c'était tout ce qu'il lui donnait à vivre. mais je fus assez heureux pour obtenir un diagnostic certain. Pendant 3 semaines, je restai près de Fazrat afin de suivre les effets du traitement auquel je l'avais soumis. Sa guérison fut complète. Lorsqu'il voulut s'acquitter envers moi, je ne consentis à recevoir que le prix qui me paraissait dû. Puis je quittai Homs. 3 ans plus tard, à la suite d'un accident de chasse, Fazrat perdait la vie. Sans parents, sans descendants directs, son testament me faisait l'unique héritier de tous ses biens, dont la valeur représentative ne pouvait être estimée à moins de 50 millions de florins. Il y avait 13 ans alors que le fugitif de Picino s'était réfugié dans ces provinces de l'Asie mineure. Le nom du docteur Antekert, déjà devenu quelque peu légendaire, courait à travers toute l'Europe. J'avais donc obtenu le résultat que je voulais. Restait à atteindre maintenant ce qui était l'unique but de ma vie. J'avais résolu de revenir en Europe, ou tout au moins sur quelques points de la Méditerranée, vers son extrême limite. Je visitai le littoral africain et, en la payant d'un haut prix, je me rendis acquéreur d'une île importante, riche, fertile, pouvant subvenir matériellement aux besoins d'une petite colonie, l'île Antekirta. C'est ici, Pierre, que je suis souverain, maître absolu, roi sans sujet, mais avec un personnel qui m'est dévoué corps et âme, avec des moyens de défense qui seront redoutables quand je les aurai achevés, avec des engins de communication qui me relient à divers points du périple méditerranéen, avec une flottille d'une rapidité telle que de cette mer j'ai pu, pour ainsi dire, faire mon domaine. « Où est située l'île Antekirta ?» demanda Pierre Bathory. « Sur les parages de la Grande Syrie, dont la réputation est détestable depuis la plus haute antiquité, à l'extrémité de cette mer que les vents du Nord rendent si dangereuse, même aux navires modernes, dans le fond de ce golfe de la Cidre qui échancre la côte africaine entre la régence de Tripolitaine et la Cyrénaïque. Là, en effet, au nord du groupe des îles Syrtiques, gît l'île Antekirta. Bien des années avant, le docteur parcourait les côtes de la Cyrénaïque, Souza, l'ancien port de Cyrène, le pays de Barca, toutes ces villes qui ont remplacé les anciennes Ptolémaïs, Bérénice, Adrianapolis, en un mot, cette antique pentapole, autrefois grecque, macédonienne, romaine, persane, sarrasine, etc., et maintenant arabe, et relevant du pachalik de Tripoli. Les hasards de son voyage, car il allait un peu où on le demandait, le portèrent jusqu'à ces nombreux archipels qui ont semé sur le littoral libyen, Pharos et Antirode, les jumelles de Plintin, Enesipt, les roches tindariennes, Pyrgos, Platée, Ilos, les Iphales, les Pontiennes, les îles Blanches et enfin les Syrtiques. Là, dans le golfe de la Cidre, à 30 000 au sud-ouest du vilayet de Benghazi, le point le plus rapproché de la côte, cette île Antekirta attira plus particulièrement son attention. On l'appelait ainsi parce qu'elle est située en avant des autres groupes syrtiques ou kirtiques. Le docteur, dès ce moment, eut la pensée qu'un jour il en ferait son domaine et comme par une prise de possession anticipée, il se donna ce nom d'Antekirt, dont la renommée ne tarda pas à s'étendre sur tout l'ancien monde. Deux raisons graves lui avaient dicté ce choix. D'abord, Antekirta était suffisamment vaste, 18 000 de circonférence, pour contenir le personnel qu'il comptait y réunir. Suffisamment élevé, puisqu'un cône, qui la domine de 800 pieds, permettait de surveiller le golfe jusqu'au littoral de la Cyrénaïque. Suffisamment varié en ses productions et arrosé par ses rios pour subvenir aux besoins de quelques milliers d'habitants. En outre, elle était placée au fond de cette mer, terrible en ses tempêtes, qui dans les temps préhistoriques fut fatale aux Argonautes, dont Apollonius de Rhodes, Horace, Virgile, Properse, Sénèque, Valerius Flaccus, Lucain, et tant d'autres plus géographes que poètes, Polybe, Salluste, Strabon, Méla, Pline, Procope, signalèrent les effroyables dangers en chantant ou en décrivant ces Syrtes, ces entraînantes, véritable sens de leur nom. C'était bien le domaine qui convenait au docteur Antekirt. Ce fut celui qu'il acquit pour une somme considérable, en toute propriété, sans obligation féodale ni d'aucune autre sorte, acte de cession qui fut pleinement ratifié par le sultan et fit du possesseur d'Antequerta un propriétaire souverain. Depuis 3 ans déjà, le docteur résidait en cette île. Environ 300 familles d'Européens ou d'Arabes, attirées par ses offres et la garantie d'une vie heureuse, y formaient une petite colonie comprenant à peu près 2000 âmes. Ce n'étaient point des esclaves, ni même des sujets, mais des compagnons dévoués à leur chef, non moins qu'à ce coin du globe terrestre, devenu leur nouvelle patrie. Peu à peu, une administration régulière y fut organisée, avec une milice préposée à la défense de l'île, une magistrature choisie parmi les notables, qui n'avait guère l'occasion d'exercer son mandat, puis, sur des plans envoyés par le docteur dans les meilleurs chantiers de l'Angleterre, de la France ou de l'Amérique, on avait construit cette flottille merveilleuse, steamer, steam yacht, goélette ou électrique, destinée aux rapides excursions dans le bassin de la Méditerranée. En même temps, des fortifications commencèrent à s'élever sur Antequerta, mais elles n'étaient pas encore achevées, bien que le docteur pressât ses travaux, non sans de sérieuses raisons. Antequerta avait-elle donc quelque ennemi à craindre dans les parages de ce golfe de la Cidre? Oui. Une secte redoutable, à vrai dire une association de pirates, n'avait pas vu sans envie et sans haine un étranger fonder cette colonie dans le voisinage du littoral libyen. Cette secte, c'était la confrérie musulmane de Sidi Mohamed Ben Ali S. Senouzi. En cette année 1300 de l'Égir, elle se faisait plus menaçante que jamais, et déjà son domaine géographique comptait près de 3 millions d'adhérents. Ses Zawiyas, ses vilayettes, centres d'action répandus en Égypte, dans l'Empire ottoman d'Europe et d'Asie, dans le pays des Bahélés et des Toubous, dans la Nigricie orientale, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans le Sahara indépendant, jusqu'aux confins de la Nigricie occidentale, existaient en plus grand nombre dans la Tripolitaine et la Cyrénaïque. De là un danger permanent pour les établissements européens de l'Afrique septentrionale, pour cette admirable Algérie destinée à devenir le plus riche pays du monde, et spécialement pour cette île Antequerta, ainsi qu'on en pourra juger. Donc, réunir tous les moyens modernes de protection et de défense n'était qu'un acte de prudence de la part du docteur. Voilà ce que Pierre Bathory apprit dans cette conversation qui allait l'instruire de tant de choses encore. C'était à l'île Antequerta qu'il avait été transporté au fond de la mer des Sirtes, comme en un des coins les plus ignorés de l'ancien monde, à quelques centaines de lieues de Raguse, où il avait laissé 2 êtres dont le souvenir ne devait jamais le quitter, sa mère et sa vatorontale. Puis, en quelques mots, le docteur compléta les détails qui concernaient cette seconde moitié de son existence. Pendant qu'il prenait ainsi ses dispositions pour assurer la sécurité de l'île, tandis qu'il s'occupait de mettre en valeur les richesses de son sol, de l'aménager pour les besoins matériels et moraux d'une petite colonie, il était tenu au courant de ce que devenaient ses amis d'autrefois, dont il n'avait jamais perdu la trace, entre autres Madame Bathory, son fils et Boric, qui avait quitté Trieste pour venir s'établir à Raguse. Pierre apprit ainsi pourquoi la goélette Savarena était arrivée à Gravosa dans ces conditions qui avaient si fort intrigué la curiosité publique. Pourquoi le docteur avait rendu visite à Madame Bathory, comment, et sans que son fils en eût jamais rien su, l'argent mis à sa disposition avait été refusé, comment le docteur était arrivé à temps pour arracher Pierre à cette tombe dans laquelle il n'était qu'endormi d'un sommeil magnétique. « Toi, mon fils, ajouta-t-il, oui, toi, qui la tête perdue, n'as pas reculé devant un suicide. » À ce mot, dans un mouvement d'indignation, Pierre eut la force de se redresser. « Un suicide ? » s'écria-t-il. « Avez-vous donc pu croire que je me sois frappé moi-même ? » Pierre, un moment de désespoir. « Désespéré, oui, je l'étais. Je me croyais même abandonné de vous, l'ami de mon père, abandonné après des promesses que vous m'aviez faites et que je ne vous demandais pas. Désespéré, oui, et je le suis encore. Mais au désespéré, Dieu ne dit pas de mourir. Il lui dit de vivre pour se venger. » « Non, pour punir, » répondit le docteur. « Mais Pierre, qui donc a pu te frapper ?»« Un homme que je hais, » répondit Pierre. « un homme avec lequel je me suis rencontré ce soir-là, par hasard, dans un chemin désert, le long des murailles de Raguse. Peut-être cet homme a-t-il cru que j'allais m'élancer sur lui et le provoquer. Mais il m'a prévenu. Il m'a frappé. Cet homme, c'est Sarkanis, c'est... Pierre ne put achever. À la pensée de ce misérable, dans lequel il voyait maintenant le mari de Sava, son cerveau se troubla. Ses yeux se fermèrent. La vie sembla se retirer de lui, comme si sa blessure se fût rouverte. En un instant, le docteur l'eut ranimé. Il lui eut rendu sa connaissance, et le regardant, « Sarkanis, Sarkanis, murmura-t-il. Il eût été nécessaire que Pierre prît quelque repos après la secousse qu'il venait de subir. Il ne le voulut pas. « Non, dit-il, vous m'avez dit en commençant, et d'abord l'histoire du docteur Antekirt. Depuis le moment où le comte Mathias Sandorf s'est précipité dans les eaux de l'Adriatique. Oui, Pierre. Il vous reste donc à m'apprendre ce que je ne sais pas encore du comte Mathias Sandorf. As-tu la force de m'entendre? Parlez. Soit, répondit le docteur, il vaut mieux en finir avec ces secrets que tu as le droit de connaître, avec tout ce que ce passé contient de terrible, pour ne plus jamais y revenir. Pierre, tu as pu croire que je t'avais abandonné parce que j'avais quitté Gravosa. Écoute-moi donc, tu me jugeras ensuite. Tu sais, Pierre, que la veille du jour fixé pour l'exécution du jugement, mes compagnons et moi nous avons tenté de nous échapper de la forteresse de Picino. Mais Ladislas Zatmar fut saisi par les gardiens au moment où il allait nous rejoindre au pied du donjon. Ton père et moi, emportés par le torrent du Bucco, nous étions déjà hors de leurs atteintes. Après avoir échappé miraculeusement au tourbillon de la Foiba, lorsque nous prîmes pied sur le canal de l'Em, nous fûmes aperçus par un misérable qui n'hésita pas à vendre nos têtes que le gouvernement venait de mettre à prix. Découvert chez un pêcheur de Rovigno, au moment où il se disposait à nous transporter de l'autre côté de l'Adriatique, ton père fut arrêté et ramené à Picino. Plus heureux, je parvins à m'échapper. Voilà ce que tu sais. Mais voici ce que tu ne sais pas. Avant la délation de cet Espagnol nommé Carpena, délation qui coûta au pêcheur Andrea Ferrato la liberté et la vie quelques mois après, deux hommes avaient vendu le secret des conspirateurs de Trieste. Leur nom, s'écria Pierre Bathory. Demande-moi d'abord comment leur trahison fut découverte, répondit le docteur. Et il fit rapidement le récit de ce qui s'était passé dans la cellule du donjon. Il raconta comment un phénomène d'acoustique lui avait livré les noms des deux traîtres. « Leur nom, docteur !» s'écria encore une fois Pierre Bathory. « Vous ne refuserez pas de me les dire ?»« Je te les dirai. »« Quels sont-ils » »« L'un d'eux est ce comptable qui s'était introduit comme espion dans la maison de Ladislas Zatmar. C'est l'homme qui a voulu t'assassiner. C'est Sarkanis. »« Sarkanis ?» s'écria Pierre, qui retrouva assez de force pour marcher vers le docteur. « Sarkanis, ce misérable, et vous le saviez? Et vous, le compagnon d'Étienne Bathory, vous qui offriez à son fils votre protection, vous à qui j'avais confié le secret de mon amour, vous qui l'aviez encouragé, vous avez laissé cet infâme s'introduire dans la maison de Silas Torontal quand vous pouviez la lui fermer d'un mot? Et par votre silence, vous avez autorisé ce crime, oui ce crime, qui a livré cette malheureuse jeune fille à ce Sarkanis ? Oui, Pierre, j'ai fait cela. Et pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait devenir ta femme. Elle ? Elle ? Parce que si Pierre Bathory eût épousé Mademoiselle Torontal, c'eût été un crime plus abominable encore. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Répétait Pierre, arrivé au paroxysme de l'angoisse. Parce que Sarkanis avait un complice. Oui, un complice dans cette odieuse machination qui a envoyé ton père à la mort. Et ce complice, il faut bien que tu le connaisses enfin. C'est le banquier de Trieste, Silas Torontal. Pierre avait entendu, il avait compris. Il ne put répondre. Un spasme contractait ses lèvres. Il se fut affaissé sans l'horreur qui paralysait et raidissait tout son corps. À travers sa pupille dilatée, on eût dit que son regard plongeait dans des ténèbres insondables. Cela ne dura que quelques secondes, pendant lesquelles le docteur se demanda, avec épouvante, si le patient n'allait pas succomber après l'horrible opération qu'il lui avait fait subir. mais c'était aussi une énergique nature que Pierre Bathory. Il parvint à maîtriser toutes les révoltes de son âme. Quelques larmes coulèrent de ses yeux. Puis, après être retombé sur son fauteuil, il abandonna sa main à celle du docteur. « Pierre, dit celui-ci d'une voix tendre et grave, pour le monde entier nous sommes morts tous les deux. Maintenant je suis seul sur terre. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus d'enfants. Veux-tu être mon fils ?»« Oui, père, répondit Pierre Bathory. » Et en réalité, ce fut bien le sentiment paternel uni au sentiment filial qui les jeta dans les bras l'un de l'autre.